89.1. Alors bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita en cette édition du 9 février 2013. Et vous êtes ce soir en compagnie de Bruno Côté à la mise en onde, Marc Chaunet à l'animation et on a deux invités pour débuter l'émission. Ils sont du groupe Piezo. Alors on a avec nous Julien et François. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Et on parle de Piezo ce soir parce que vous avez fait un album, un excellent disque intitulé Scene One Hurricane. Merci. Et vous allez faire un spectacle, donc un lancement officiel. Et ça s'en vient bientôt. Donc c'est le 2 mars. Oui, au Dagobert? Oui, c'est le samedi soir, 2 mars, au Dagobert, à 22h30, si je ne m'abuse. En plein ça. 22h30, oui. Tout à fait. Et il y a Inner Odyssey aussi en première partie, deux groupes de Québec. En donc, fait, c'est nous en première partie de Inner Odyssey. C'est Inner Odyssey le headline, en fait. Ah oui? Oui. Oh, c'est vous en première partie de Inner Odyssey. OK, ah, c'est bon. Fait qu'on ouvre la soirée, puis Inner Odyssey finit le party. Oh, ça va être quelque chose. On les avait reçus en entrevue en mai dernier. Et j'ai écouté votre album cette semaine quand Michel m'a dit qu'il présentait donc une soirée. C'est présenté par Terra Incognita, cette soirée-là de rock progressif avec Piezo, Inner Odyssey. Et j'ai trouvé ça super bon, votre album, les gars. On peut écouter ça sur votre site piezoband.com. P-I-E-Z-O-band.com. Piezo-the-band.com. The band, oui, c'est en ça. En plein ça. Ben, parlez-nous un peu de cet album-là. C'est un album qui semble un album concept, tout à fait, parce qu'il y a différents thèmes, l'espoir, visions, remembrance, rebirth, eternity, confrontation, chaos et redemption. Ben écoute, à la base, moi, le chanteur, quand je suis arrivé dans le band il y a à peu près 2 ans, si je me trompe pas, eux, ils avaient déjà commencé à composer une couple de trucs. Ils avaient déjà donc les premiers noms que tu vois sur la pochette, donc les noms singles, comme donc Hope, Redemption, tout ça. Et quand je suis venu mettre mes paroles sur leur musique, on a mis des noms plus longs, mais qui sont restés. Puis on s'est dit quand même que les noms plus courts, ça fitait. Puis ça donnait un thème, effectivement, puis des émotions sur les chansons. Donc ça avait du sens, tout ça. Oui, d'ailleurs, je pense qu'on va tout de suite commencer. On va commencer l'émission en écoutant une bonne pièce, une longue pièce intitulée donc Rebirth, Smiling at a Changing Sky. Je pense qu'on va les mettre en appétit avec cette première pièce-là, puis après ça, on revient, puis on parle, on en écoute encore un peu dans la soirée. Donc allons-y tout ça. Veux-tu nous parler un peu de cette pièce-là avant qu'on la fasse jouer? C'est une longue pièce et je pense que c'est celle qui représente bien le groupe. Donc voilà. from the nest I flew. Home is so far away. Horizon changes as I stare at the changing sky. Smiling at the changing sky. Smiling at a Changing Sky, c'est de Piezo, Piezo Band, un nouveau groupe de Québec. Alors Julien, tu nous disais tantôt que tu t'es joint au groupe, comment ça s'est passé? Explique-nous ça un peu, tu as passé une audition, tu as rejoint des musiciens que tu connaissais. Ben écoute, en fait l'histoire est un peu longue, mais pour faire ça court, moi ça fait 8 ans que j'avais un groupe de death metal qui s'appelle Morgue, d'ailleurs on a joué ici il y a un petit bout déjà. Puis moi ça faisait, j'ai toujours fait un peu de guitare, mais toujours chanté un peu aussi, en tout cas c'était un peu une espèce de mix des deux. Puis là j'ai vu l'annonce sur un groupe justement sur le forum de Capital du Metal, donc vraiment pas dans le même rayon que le prog. Cherche chanteur, mais avec des influences qui me plaisaient beaucoup, là, Genesis, Opeth, Porcupine Tree. Et je vois que l'ancien hommage à Opeth, parce qu'il faut dire que Piezo, avant que j'arrive, c'était un hommage à Opeth, donc Ben, pour ceux qui connaissent aux influences metal et prog. Bref, chercher un chanteur donc dans ce que je considérais être possible pour moi de faire. Et je suis arrivé là avec ma guitare. Écoute, j'avais jamais pris de cours de chant de ma vie, je savais pas trop quoi faire là. J'ai fait 2 tunes de Porcupine Tree, puis bizarrement, même avec mon accent français, ils ont cru bon que j'avais ce qu'il fallait pour joindre leur troupe. Là, il faut dire que c'est des bons musiciens. Et à partir de là, j'ai commencé à prendre des cours de chant, puis l'album s'est construit avec ce qu'ils avaient déjà en tête et ce que moi j'avais en tête, parce que j'avais déjà des concepts là, dont on pourra peut-être reparler. Fait que vous avez travaillé sur ça pendant un bon bout. Pendant une bonne année et demie, ouais, avant de commencer à enregistrer, je pense, oui. Puis toi, François, t'es un musicien de formation... Ben, moi, je suis claviériste, en fait. J'ai appris un petit peu par la bande. J'ai à peine pris de cours dans ma vie. Je suis plus passionné de musique, fait que j'ai beaucoup appris, en fait, je dirais à l'oreille. J'ai des petites techniques, puis quand j'ai l'occasion, je me pratique, puis ça... Et la plupart, est-ce que c'est le cas pour la plupart des musiciens? On a tous pris des cours un petit peu dans chacun de nos instruments respectifs. Par contre, je pense il n'y en a aucun qui est un grand professionnel de l'instrument. Mais on est juste des amateurs, on est des tous. Vous êtes tous des musiciens pas mal, comme on dit... Chevronnés. Oui, mais self-taught, là, vraiment... Là, oui. Autodidacte. Oui, plutôt, effectivement. Ouais. Mais en tout cas, ça paraît pas... C'est une très belle production. J'ai écouté cette semaine, comme je le disais, sur Bandcamp. On va sur le site web Bandcamp où on peut entendre plein de groupes qu'on connaît pas. Puis on peut entendre l'album. En fait, on peut tout entendre, les pièces, puis on peut les télécharger pour ceux qui sont à distance. Et on peut aussi aller chez Sion le disquaire pour se procurer le CD, pour avoir la pièce entre les mains là, avec tous les textes. Puis d'ailleurs, les membres de CKRL ont 10% de rabais, je pense, aussi en musique. Donc, oui, profitez-en. Oui. Tout à fait, tout à fait. Si vous êtes membre de CKRL, puis que vous téléphonez pendant l'émission, il y aura un CD à faire tirer. Il faut être membre de CKRL, c'est important. Alors, on va écouter une seconde pièce, une pièce qui a des influences un peu plus avec du métal, parce qu'il y a un mélange de métal puis de progressif. Il est très prog, l'album. Il y a une balance entre le prog puis le métal. Il y a quand même... fois, ça rentre pas mal. Ça rentre pas mal. Faut pas oublier qu'on est quand même 5 musiciens avec des bonnes influences métal. Je pense que dans tous les cas, c'est un peu derrière nous, mais on a quand même des bons tripeux métal aussi, puis il fallait que ça se voit au minimum sur notre premier album. On voulait faire un petit clin d'œil à nos influences métal, à notre passé métal. Puis là, ça va être la pièce Confrontation, donc Drown the Reflection du groupe Piezo. Puis après ça, on revient puis on parle aussi de votre spectacle, donc le 2 mars prochain au Dagobert. On y va tout de suite en musique. Yeah. Le groupe de Québec Piezo, tiré de Scene One Harlequin. Et on a avec nous donc deux musiciens de ce groupe, Julien Watine et François Warnett. Alors, hey, ça c'était. Rebonsoir. Oui, rebonsoir. C'était bon, hein. C'était, ça rentre pas mal, comme on le disait. Il y a des bouts métal. Ouais, c'est plus élevé. C'est une des deux plus élevées de l'album. Hein. Puis d'ailleurs, on se demande à quel point est-ce que ce genre de musique-là va se retrouver sur le second album. Mais je pense qu'on est encore à y réfléchir. On n'exclut pas les possibilités, là. Ouais, je pense qu'en fait, pour le deuxième album, il n'y a absolument rien d'exclu pour l'instant. C'est vrai. Ben c'est bon déjà que vous parliez d'un deuxième album, mais là, en attendant, on va voir le premier spectacle officiel, le spectacle de lancement de cet album. Là. Ça s'en vient. Donc, c'est dans 3 semaines, samedi le 2 mars, à 22h30 au Dagobert. Oui, on a été très chanceux en fait d'avoir ce spectacle-là en première partie de Dinner Odyssey. Ça a été organisé par notre, c'est une idée de notre ami Mathieu Audette, un ami commun des deux groupes. Puis on est très content qu'il y ait eu cette idée-là. Puis et disons que c'est une présentation en plus de Terra Incognita, fait que c'est on ça est content beaucoup de vous recevoir ici. C'est un excellent album déjà, moi. Ça m'enchante, j'ai hâte de voir ça en spectacle. Vous nous préparez, donc vous êtes un groupe de 5 musiciens sur scène, puis il y a peut-être aussi au niveau du visuel. On vous prépare une petite surprise visuelle sur laquelle on travaille depuis quand même quelques mois, Julien. On est écœuré, non, pour de vrai, je peux pas en dire plus. Voilà, ça fait quelques mois qu'on prépare ça avec une petite équipe chevronnée aussi de passionnés de la chose. Là, on vous prépare une petite surprise. Des contacts dans la scène technique de Québec, mais je pense que les noms parleront d'eux-mêmes quand on fera le show. Ouais. Puis d'ailleurs, peut-être un petit clin d'œil spécial à François Fortin qui a enregistré l'album et qui fera aussi le son pour le concert du Dagobert. Puis ce que là, il y a une main de fée, si je peux dire ça comme ça. C'est un album que vous avez enregistré ici à Québec? En plein ça. Puis ce gars-là, il a la touch, il est plus habitué dans le monde du métal, mais je pense que quand t'es arrivé avec le concept du prog, il s'est dit, bah pourquoi pas, puis bah comme on peut l'entendre, le résultat est tout à fait acceptable et même plus ouais, que oui, ça. Très professionnel. Donc voilà. Qui fait un job incroyable. On est bien content. Ouais. Puis là, vous allez travailler sur d'autres spectacles, évidemment, puis un deuxième album. Oui, bah on est content, mais en fait, c'est un peu... comment je dirais, c'est bon, je voudrais pas dire à temps perdu nécessairement, mais c'est un peu comme on est on fait ça pour le plaisir. Fait que tu sais, tant qu'on a du fun à le faire, on va produire de la musique, on va faire des spectacles, des albums. Tant qu'on va être heureux de faire ça, on va continuer de le faire, on n'arrêtera pas. Pour l'instant, je pense que la chimie est assez forte, puis on a assez d'inspiration, même que ça déborde par les oreilles puis par tout le reste des trous. Et on a du stock à composer encore. Je pense que le monde de Québec n'auront pas fini avec nous, en tout cas, pour l'instant. Ouais, c'est une super nouvelle. Écoutez, on va aller en pause publicitaire, puis au retour, on va mettre une pièce de Inner Odyssey, qui seront le groupe principal de cette soirée du 2 mars, un extrait de Have a Seat, leur premier disque. La pièce Sinking, puis restez avec nous, on va en discuter au retour de cette pièce-là. Ok, oui. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Restaurant L'Athéna, situé au 2980 1ère Avenue à Limoilou, vous offre un service de livraison jusqu'à 5h30 du matin pour combler votre appétit de fin de soirée. Goûtez à une de nos pizzas parmi un vaste choix, à nos club sandwich comme le club Athéna au poulet et gyros, ou bien notre poulet frit tout à fait craquant. Restaurant L'Athéna, 418-525-5509, livraison gratuite jusqu'à 5h30 du matin, payable avec Interac. Restaurant L'Athéna, pour combler votre appétit de fin de soirée. 2980 1ère Avenue à Limoilou. Les artisans de la Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. Le 15 février prochain, CKRL souligne 40 ans de radio. Animateur, auditeur, ami ancien et actuel, venez célébrer avec nous l'anniversaire de CKRL à l'espace Hyperion, 190 Saint-Joseph-Est. Service de traiteur sur place, prestation d'Antoine Graton et DJ set de D. Procurez-vous dès maintenant vos billets au coût de 10$ par PayPal sur notre site ckrl.qc.ca ou à la station au 405 3e Avenue. Un événement à ne pas manquer. Bonjour, je m'appelle Jerry Sorn des Birds. Vous écoutez CKRL 439,1 MF in Québec. The season turn, and their time to every purpose under heaven. flood life with blood-soaked emotions under the pouring plow strife. Drifting far ashore, I lie in this mortuary barge, leading my mind in a war on the sea. So goes on and on. Soul and poisons your very breath. And when the black tide split, but when the sky seems brown, before such forces I'm awed till I begin to drown. Tracked down by the demons of my reality, slipping off the zone in the whirlpool of my sins. Darkness has come then, invaded me, infected me while I was alone. sur les ondes de CKRL de 89.1 à Québec. C'était le groupe de Québec Inner Odyssey, tiré de Have a Seat, leur premier disque. C'était la pièce Sinking, The Journey of Sin Part 1. Et ils vont être en spectacle, donc, au Dagobert, on le répète, samedi le 2 mars prochain. C'est dans 3 semaines. Et il y aura aussi Piezo. Alors, les gars de Piezo sont ici avec nous ce soir. Puis les gars, avez-vous hâte de jouer avec, en première partie, là, de faire votre premier show en plein, de nous présenter votre album? On a très, très, très, très hâte. C'est clair, tu sais. Puis quand un groupe décide de faire un show, c'est pas personne qui nous pousse dans le cul pour qu'on fasse ça, tu sais. Fait que c'est de notre propre gré. Je pense qu'on a vraiment hâte de faire ça. On a un peu peur aussi parce qu'on a hâte de voir comment la foule va réagir, mais je pense que c'est vraiment la hâte qui nous anime. Là. Ouais. Et vous me disiez aussi que Inner Odyssey sont bons en spectacle, alors faut pas manquer ça. Hein? Ils offrent toujours une bonne prestation. Ça fait plusieurs années qu'ils font des shows, puis je les ai vus plusieurs fois, puis ça vaut vraiment la peine d'être vu en show. Inner Odyssey aussi. Puis on leur dit salut en passant. Alors, ouais, j'espère qu'ils écoutent. Je pense que si on veut avoir un bon feeling ce soir-là, puis du monde passionné, il faut aller vous voir en spectacle. Ben, merci beaucoup d'être venu. Alors, merci de nous avoir invités. Merci à vous. Ça me fait plaisir. Mm-hmm. François, donc, Warnett, claviériste, qu'on verra bientôt, et Julien Watine au chant. Oh yeah. Oh yeah. Alors, merci d'être venu, les gars. Puis, ben, écoutez, on vous suit. Puis, si vous reviendrez faire un tour aussi pour votre pour prochain disque. Merci encore. Là. Ok, merci alors, super, ça me fait plaisir. Alors, on va poursuivre avec une nouveauté, c'est le groupe Semantic Saturation. Ça a été enregistré aux États-Unis, mais c'est maintenant un musicien qui vit à Montréal, qui est d'origine syrienne, et c'est un super guitariste du nom de Chant Agopian, qui est entouré ici de 4 autres musiciens, dont Derek Sherinian, là, qui était claviériste, super claviériste de Dream Theater. Et je trouvais que ça allait fitter là, dans le concept. Mm-hmm. On est un petit peu dans le... Ça rock pas mal ce soir. Et donc, c'était ce super guitariste-là qui faisait des albums à la Joe Satriani de Guitar Hero a décidé de faire un album plus progressif, si on veut. On écoutera la pièce Stardust, donc, de Semantic Saturation sur les ondes de CKRL. Stardust de Semantic Saturation, c'est une nouveauté, c'est sorti il y a deux semaines, l'album Solipsistic, et ça rentre pas mal, hein? C'est le guitariste Shant Agopian, il y a sur ça à la batterie Vigil Donati, Andy Colts, et Derek Sherinian là, qui était de Dream Theater, au clavier, donc c'est pas mal dynamique. Presque toutes les pièces sont instrumentales sauf une sur cet album-là. Ça dure une bonne heure et c'est de la musique de grande voltige. Il y a pas mal de trucs qui s'en viennent. La convention Terra Incognita, on le répète, c'est le 18 et 19 mai prochain. Il y a le 18, donc il y a The Tea Club des États-Unis. Ensuite, il y aura Fido Xavier, donc... Philo Xavier des États-Unis et RPVL de l'Allemagne. Et la petite primeur pour ce soir, le groupe RPVL ou RPWL, ils feront le second spectacle le lundi, le 20. Et d'après ce que j'ai compris, c'est au Centre d'art La Chapelle aussi. Et puis, ça sera un show différent, évidemment, du samedi soir. Ils vont faire un peu un survol de leur carrière. Et il y aura aussi des reprises de quelques pièces de Pink Floyd. Donc, si ça vous intéresse, là, les billets vont être en vente bientôt. Et donc, le 19 aussi pour la convention. Donc, la deuxième journée, ça va débuter avec Edo de Québec. Il y aura ensuite de l'Italie Il Castello di Atlante et The Flower Kings. D'ailleurs, on aura une pièce de Flower Kings, plus récent album, tantôt, un peu plus tard dans l'émission. Il y a aussi le musicien chanteur Martin Arioli qui va faire un spectacle à l'Inkasi le 17 février prochain. Et on aura une pièce tantôt. On a aussi des petites nouvelles, hein. Vous avez su qu'Eddie Jobson, il va faire un retour avec ses 40 ans de carrière. Il va venir ici faire une tournée intitulée 4 Decades. C'est le 26 avril au Cabaret du Capitole. Et les billets sont en vente à partir d'aujourd'hui. Et il y aura donc des pièces de UK, de Frank Zappa, Curve There, les différentes formations avec qui il était. Il y aura Marc Bonilla, la guitare, qui va être là, guitariste et chanteur, qui a été dans le Keith Emerson Band, qui a joué avec Glenn Hughes. Il y a Alec Machacek de UKZ, le bassiste et chanteur Billy Sherwood, qui a été avec Yes, évidemment. Et Virgil Donati, justement, le même qui vient de jouer sur l'album qu'on vient d'écouter, qui a été aussi dans Planet X. Qui sera là. Alors, ça aussi, c'est un show qui s'en vient. Et il y a d'autres affaires qui vont s'annoncer, là, des shows de prog, il y en a plusieurs. On va poursuivre en musique avec le groupe italien Baroque Project. Tantôt, on va voir une nouveauté italienne, là, la Maschera di Cera, là, le nouveau disque. Ça s'en vient, ça va être dans le prochain bloc. En attendant, comme la pièce est un peu plus longue, là, on va attendre au prochain bloc. Soyez patients. On ira donc avec un extrait de Coffee in No Cone, la pièce Inside My Dreamer's Eyes 2, et ce sera enchaîné par un groupe de Montréal avec ce nouveau groupe et un premier album, le groupe Inner Space, l'album The Village, la pièce Slippery Case Part 1. Mais on y va tout de suite en musique avec Baroque Project. Does not happen in my world.

Et vous allez voir que c'est vous allez reconnaître la Mascara di Cera. On s'était ennuyé un peu depuis Lux AD. Ça fait déjà, il y a eu Petali di Fuoco. Et là maintenant, ben, ça faisait déjà quand même plusieurs années qu'on n'avait pas eu de la Mascara di Cera. On y va tout de suite avec ça. Et ensuite, on va enchaîner avec Argos, deux nouveautés en fait dans le bloc. Cruel Symmetry, c'est leur troisième disque. C'est un groupe de l'Allemagne et il y a une longue pièce éponyme sur ça qu'on va écouter juste après la Mascara di Cera. Donc, une bonne demi-heure de bon rock progressif avec de l'italien et de l'allemand aux accents 70. Assoyez-vous bien et profitez-en. questa come può. Quiet circle and empty square, sharing a relation in frozen time. Coupled in this strange geometry, everything has a cruel symmetry. Everything. That's real. Disappearing through a hole, Rumbling marbles, mighty men, mesmerizing jumbles in my mind. Will we ever meet again? Here amongst these hollow men, laughing as we slip away through time. Everything has a cruel symmetry. Everything, everything. All we build and all we say, all we wish would go away. Things we wear as masquerades to play. And the dreams that make your day, and the fears you keep at bay. You are here and far away in time. Everything has a cruel symmetry. Everything. Thank you. there's a cruel symmetry, everything. Never seen again. Good thing what is true? Is it too late? Into the blind rain we were running, all defenses down. Into the blind rain, just like children, we were afraid. Into the blind rain of a new day, and the sky lit up. Bathed in the blind rain, what a wonder life can be. Everything has a cruel symmetry, everything.

ground, shaping patterns of a different kind. So you think you'd never see the sun. Back streets of pandemonium, where the sly little devils run. You forget where you're coming from. Days getting bent into night. In the blackness of eyes, you stumble. just beneath their worst sin. The pain give to build God a vast marble fortress. Martin Ariola, l'invention de la réalité. Un artiste qui sera en spectacle à la Ninkasi du Faubourg le 17 février, dimanche prochain, vers 22h30. Il y avait eu juste avant le groupe de Montréal, Inner Space, tiré de The Village. On va terminer l'émission avec Steve Hackett, Steve Hackett Revisited 2. Et il y a sur ça quand même une pièce qu'on pourrait dire inédite un peu, dans le sens que c'est Steve Hackett et Nick Magnus qui font Casino Royale. Donc on va écouter cette pièce-là. Ça, c'est vraiment, pour ceux qui sont amateurs de Genesis, là, vraiment, Steve Hackett, il a fait un beau travail, là, il a rendu honneur à la musique de Genesis, en fait, ça s'écoute tout seul. Donc on y va avec Casino Royale. Only the fool wants to get through. Et c'était Glasshammer tiré de Perilous, leur plus récent album, une pièce courte mais dynamique intitulée The Wolf Gave Chase. Et juste avant, il y avait eu Steve Hackett qui chantait, c'est la seule pièce sur laquelle il chante d'ailleurs sur Genesis Revisited, donc je sais qu'il ne chante pas du Genesis, mais il chante de ses compositions, et c'était Casino Royale avec Nick Magnus, donc tiré de Genesis Revisited 2, et c'était donc... Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet avec vous depuis 22 heures. On vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Et je le rappelle aussi, n'oubliez pas qu'il va y avoir RPVL qui vont faire un spectacle le lundi, donc juste après la convention. Ça va être le 20 mai. Donc au Centre d'art La Chapelle, ils vont faire un spectacle différent du spectacle qu'ils donnent le samedi. Alors, manquez pas ça si vous êtes amateur, ça va être très bon. Ils vont faire des pièces de Pink Floyd. Et d'ailleurs, en parlant de Pink Floyd, il y a la bonne vieille musique des années 70 qui s'en vient avec Stéphane et l'autoroute. Donc, bonne soirée sur les ondes de CKRL. À bientôt. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Hi! Vous écoutez CKRL HD. Une radio haute décibel. Avidjam. Ce qui signifie achat, vente, échange, jeu, audio et musique. Venez échanger tout ce qui concerne le divertissement de salon. Possibilité de mise de côté. Avidjam. Montage de système de son et d'ordinateur. Demandez Dan. Avidjam. Offre un grand choix de disques vinyle rock des années 70. Également des jeux sur Xbox et PlayStation, Nintendo et ordinateur, ainsi que des cassettes audio, VHS, tape tournante et ampli des années 70 et 80. Avidjam. Venez changer vos films pour adultes. 45 rue Saint-Joseph-Est, 418-559-0875, avidjam.com. Le 15 février prochain, CKRL souligne 40 ans de radio. Animateurs, auditeurs, amis anciens et actuels, venez célébrer avec nous l'anniversaire de CKRL à l'espace Hyperion, 190 Saint-Joseph-Est. Service de traiteur sur place, prestation d'Antoine Graton et DJ Set Daddy. Procurez-vous dès maintenant vos billets au coût de 10$ par PayPal sur notre site ckrl.qc.ca ou à la station au 405 3e Avenue. Un événement à ne pas manquer. This is Steve Hackett speaking, and you're listening to CKRL in Quebec. Plusieurs autoroutes existent dans notre société.